Or, par exemple, quand on parle justement du côté agricole, on parle des graines depuis que le monde est monde. Les paysans sèment leurs graines, qui sont gratuites, qui se passent les uns aux autres, qu'on passe de génération en génération, et ça perdure. Or, maintenant, on brevette tout, et on a breveté des graines. Et il y a des quantités de paysans qui n'ont pas le droit de vendre certaines graines qui n'ont pas de brevet. Mais enfin, c'est lamentable, on n'a pas le droit de breveter l'humanité. On a aussi essayé de breveter le génome humain, enfin, etc., etc. On est en train, tout vaut de l'argent. Il faudrait s'arrêter d'avoir un dieu argent. L'argent est utile, c'est vrai, on en a tous besoin, mais pas au point de que ce soit notre maître à penser. On fait tout est subordonné à l'argent. Qu'on arrête. On est en train de tuer des populations entières sous prétexte qu'ils ont besoin d'argent. Et les laboratoires font, pour en revenir à la santé, effectivement, les laboratoires font une publicité énorme pour arriver à gagner beaucoup d'argent, font une pression énorme. Et justement, on parlait de conditionnement, et ça, c'est très important. On est conditionné par la peur. Et ça, je crois que c'est la seule chose. S'il y avait un vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Moi, j'ai par exemple un blog, et j'ai la personne qui le tient très gentiment m'a dit un jour, j'ai des amis qui me disent, je ne vais pas aller sur le blog de Sylvie Simon, parce que j'ai peur d'avoir peur. Alors, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent ne pas connaître la vérité. Et ça, je crois que c'est les 9 dixièmes de l'humanité, parce que ça leur ficherait tout leur paradigme en l'air. Il faudrait changer de façon de voir les choses. C'est aussi parce que je pense qu'on est depuis quelques générations conditionnés à ça, croire ce qu'on nous dit dans les médias et à ne pas rentrer chez soi et à se poser des questions. Donc les gens, dès qu'on les sort de ce contexte où on leur donne un prêt-à-penser, un prêt-à-croire, un prêt-à-vivre, un prêt-à-manger, dès qu'on les sort de ça, ils sont effrayés. Et c'est ce qui permet de les conditionner, de les manipuler et pendant ce temps, à une petite minorité de faire ce qu'ils veulent. Et dès l'école, on est manipulé. Dès l'école, on est conditionné. Apprenez ce qu'on vous apprend. Et du reste, c'est ce qui se passe avec l'éducation nationale maintenant. Il n'y a même plus des professeurs qui font des cours par personnel, parce qu'ils sont remis en place par l'académie, où on leur dit, restez dans ce qu'on vous dit dans les livres. Moi, j'ai sans arrêt des gens qui viennent me trouver, qui sont des professeurs, et qui me disent, je n'ai pas le droit de faire des cours magistraux. Il faut que je dise ce qu'il y a dans les livres. Donc on fait le nivellement et forcément par le bas. La grenouille. Hein? L'histoire de la grenouille. Oui. Ben oui, mais ça c'est parce qu'on est tous dans le... je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs, mais effectivement l'histoire de la grenouille, c'est... On nous a fait... On nous berce lentement. Au lieu de nous dire, par exemple, on va vous amener à la mondialisation, voilà ce qui va se passer, on a commencé à nous dire, oui, mais vous savez, il faut qu'on s'allie, on va faire une petite Europe à 7, une Europe à 8, une Europe à... Et maintenant, on est dans un surnombre épouvantable, et etc. Bien. Mais on fait ça petit à petit. Et c'est pour ça que c'est Olivier Clerc qui le comparait à l'histoire de la grenouille. Si on met une grenouille dans de l'eau froide et qu'on fait chauffer l'eau peu à peu, la grenouille, elle ne va pas sortir du bac. Elle va trouver que peu à peu, l'eau est tiède, bon, c'est un peu chaud, et on va l'endormir complètement. Et c'est ce qu'on nous fait. On nous endort complètement, alors que si on avait plongé une grenouille dans une eau à 50 degrés, elle aurait sauté immédiatement. Donc il faut que l'humanité ait le courage, et que les citoyens aient le courage de sauter de la marmite avant qu'on boue. On nous fait bouillir à petit feu. Et je pense que les vaccins ont un impact avec ça. C'est que, comme ils ont, si vous voulez, les virus ont toujours une attraction pour le cerveau, pour le côté neurologique. Donc, on arrive à abrutir les gens. Ils sont tellement vaccinés, tellement qu'ils sont complètement... Ils ne pensent plus par eux-mêmes. On fait de nous des machines. Et ça, quand on regarde un petit peu la question, on se rend compte que effectivement la crise économique et tout ça, ce sont pas des hasards non plus, parce que quand on regarde l'historique, il y a eu des façons de manipuler les gens, des méthodes pour manipuler les gens, comme la stratégie du choc, comme le titillement, qui ont été déjà appliquées dans d'autres pays avec les mêmes effets. Ça a commencé au Chili, en Argentine, au Chili, après en Russie, en Angleterre, en Irak, maintenant c'est en Grèce et ça va être chez nous dans pas très longtemps. Donc c'est pas un hasard non plus, pas plus que les morts avec le Mediator, ni les accidents avec les vaccinations. C'est fait pour. Déjà s'informer. Déjà, je pense qu'il faudrait que les gens prennent conscience de la gravité de ce qui se passe et qu'ils aient envie de s'informer pour leurs enfants, pour pas laisser le monde dans l'état où il est, et apprendre à dire non. Enfin, si on n'est pas d'accord, c'est comme pendant les élections, on nous dit il faut voter utile ou il faut absolument voter, c'est la démocratie, etc. Mais pour faire court, on fait aller voter blanc si vous n'êtes pas d'accord, ça sert strictement à rien, puisque les votes blancs ne sont jamais comptabilisés. Et aller voter quand vous savez que vous avez le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet, et qu'on vous dit faut voter utile, on commence à vous culpabiliser. Des fois que vous auriez envie de voter autrement, on vous dit non, faut voter utile. Donc où est la démocratie et où est la liberté dans le fait d'être pratiquement conditionné pour aller voter utile? Ça veut dire qu'on a juste le choix entre l'un et l'autre qui font tous les deux le jeu des grands puissants, enfin des puissants. Lobbies et de tout ça. Ouais. Et ça, je pense qu'il faudrait plus il y aura de gens qui prendront conscience de ça et qui se mettront à penser par eux-mêmes et non pas comme on le leur dicte, plus on a des chances de faire évoluer l'humanité vers quelque chose de Il y a quand même quelque chose qui aide à évoluer, justement, ce sont tous les accidents qui se passent en ce moment. Tous les scandales qu'il y a, médicaux surtout, parce que c'est surtout sur le plan médical qu'il y a les scandales, mais il y en a sur tous les plans. C'est parce qu'il y a beaucoup de scandales que les gens commencent à prendre conscience et se disent, mais après tout, est-ce qu'on n'est pas en train de nous bourrer le crâne de choses qui sont idiotes? Donc, moi, je sais qu'un jour, je ne sais plus quel journal m'a critiqué en disant, Sylvie Simon se réjouit des scandales. Mais je ne me suis jamais réjouie des scandales. Il y en a toujours eu. Je me réjouis qu'enfin les scandales sortent, qu'on soit au courant et qu'on se dise c'est un scandale. Parce que jusqu'à maintenant, le médiateur, s'il n'y avait pas eu Irène Frachon, qui était quand même une femme courageuse, elle s'est battue quand même très fortement. Elle a eu beaucoup de pression pour l'empêcher de parler. Irène Frachon, bonjour. Merci de nous rendre visite aujourd'hui à Ouest-France. Vous êtes donc pneumologue à Brest et vous faites partie de ceux et celles qui ont soulevé le scandale du médiateur. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où on en est? Alors on est au milieu du guet, c'est-à-dire qu'effectivement la dangerosité du médiateur ne fait aucun doute. On sait comment, ça détruit les valves du cœur via la production d'un poison. Mais à ce jour, les victimes ont fait le lien, elles ont été averties, elles sont en cours de dépistage de ces maladies. Mais par contre, il n'y a pas de reconnaissance ni d'indemnisation de ce préjudice. D'accord. Donc il faut aller plus loin. Est-ce que vous avez été victime de pression de la part du laboratoire tout au long de cette lutte contre ce médicament? J'ai été victime de la censure du laboratoire via une procédure vis-à-vis de la publication de mon livre. Et c'est une constante de ce laboratoire depuis 20 ans, la censure immédiate, procédurière, et la réponse à toute personne qui pourrait mettre en doute l'innocuité d'un des produits servis. Je lis bien sûr le quotidien du médecin puisque j'y suis abonné. Payant. Je n'ai pas vu de compte-rendu du livre de Madame Frachon. Je crois que... J'ai juste vu un communiqué de l'AFP, enfin le compte-rendu des communiqués que le laboratoire Servier avait fait au sujet du bouquin d'Irène Frachon. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est délibéré? Non, c'est délibéré. Et nous avons décidé de prendre le recul. Nous ne sommes pas une presse à sensation. Nous ne sommes pas nous sommes médecins. Nous mettons en premier la rigueur scientifique et méthodologique. Un livre paru dans le grand public comme ça mérite qu'on en parle autrement, ce que nous avons fait ultérieurement. Vous l'avez fait quand est-ce? On a parlé de son enquête, de son travail. Ah oui, non, mais je parlais du livre. Mais attendez, nous ne faisons pas les chiens écrasés, monsieur le président. Ah, vous ne faites pas les chiens écrasés. Vous considérez donc que le livre de madame Irène Frachon est à classer dans la rubrique des chiens écrasés? Et moi, quand j'ai commencé mon combat, souvent j'étais scandalisée parce que je voyais... Enfin, j'étais scandalisée. Je me disais, ça va faire cesser les choses. Je voyais que tel ou tel laboratoire était condamné à payer, mettons, 600 millions de dollars d'amende. Je me disais, quand même, 600 millions de dollars, c'est beaucoup. Puis j'apprenais, l'investigation allant plus loin, j'apprenais que avec ce produit-là, ils avaient gagné 6 milliards de dollars. Qui ne donnerait pas 1 million pour avoir 1 milliard? Bon. Donc, et tout est comme ça. Donc les gens se rendent compte quand même maintenant, et ça on le voit surtout quand on fréquente le milieu médical supérieur, hein, pas le petit médecin de campagne, quoique il y a beaucoup de médecins de campagne qui ont beaucoup de flair et qui ont pu débusquer tout ça, c'est qu'on se rend compte maintenant

began to estimate the total number of cases in the United States. They based it on a count of 8-year-old children with autism in select communities. If you look back in the years 2000 and 2002, it was about one child in 150 with autism. 2 years later, one in 125. Then, one in 110. And now the latest report. As of 2008, the last time an estimate was performed, one in 88 children has autism. That's a 78% increase just over the last decade. And the question on a lot of people's minds is why. How much of that increase is a result of better tracking, and how much of it is a result of an actual increase? We still don't know. C'est énorme. Et chez les garçons, c'est plus. On ne sait pas pourquoi. Ça, il y a peut-être quelque chose d'une fragilité génétique. Les garçons, c'est 1 sur 50. Bon. Et autrefois, effectivement, les autistes, il n'y en avait pas. C'est quand, comme quand on entend aux infos, un enfant sur 440 aura le cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. 8500 nouveaux cas de cancer chez les enfants en 4 ans, c'est légèrement plus que lors du dernier recensement. Un enfant sur 440 est concerné aujourd'hui par cette maladie en France. On en comptait 1 sur 500 en 2005. Pour autant, le nombre de cas n'aurait pas réellement augmenté. Ce sont surtout les techniques de diagnostic et l'enregistrement des données qui s'améliorent. Les cancers les plus fréquents chez les enfants sont les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes. Ils touchent un peu plus les garçons que les filles et principalement les plus jeunes. Chez l'enfant, la moitié des cancers survient avant l'âge de 5 ans. Mais avant, il y avait combien d'enfants qui avaient des cancers ? Il n'y avait pas de cancer chez les enfants comme ça. C'était un cancer. Le cancer, c'est une maladie. On vous dit du reste qu'il y a une augmentation des cancers à cause de la... on vit plus longtemps. C'est pas vrai. La plupart des cancers maintenant arrivent chez des gens qui ont moins de 50 ans. Bon, ben, c'est donc pas le vieillissement de la population. Mais comme on vous répète que c'est le vieillissement de la population et qu'on n'y peut rien, ben, les gens continuent à croire tout ça. C'est ça qui est incroyable. Et il y a eu l'Académie avait envoyé à une époque à des professeurs une lettre d'information leur disant « Voilà, il faut que vous enseigniez aux enfants à vivre avec le cancer. » Dites-leur qu'un copain sur deux aura le cancer. Et heureusement, il y a eu des professeurs, moi je me souviens, j'avais reçu à l'époque, je l'avais publié, des lettres de professeurs, d'instituteurs ou de directeurs d'école qui ont dit non, nous ne nous battrons pas, nous n'allons pas enseigner aux enfants qui vont mourir du cancer, parce que c'est, il y a un conditionnement là. Et quand vous vous répétez tous les jours, depuis la plus petite enfance, il y a une chance sur deux que je meurs du cancer, vous finissez par vous piquer un cancer, parce qu'on sait très bien qu'il y a une question de stress qui intervient là-dedans. Donc ils sont en train ils n'ont rien compris à rien. C'est ça qui est terrible. Et il y a très peu de gens qui ont vraiment compris. On a un grand débat avec Sylvie régulièrement. Elle me dit, je t'assure qu'ils sont plus cons que méchants. Moi, je continue à dire qu'ils sont plus méchants que cons. Moi, je crois que c'est les deux. Maintenant, parce que ça se vérifie. Une fois qu'on a mis le nez dedans, ça se vérifie dans tous les domaines. J'entendais à la campagne électorale, tout le monde a entendu là ces jours-ci, on nous a dit, oui, Sarkozy, il a perdu des voix, etc., parce qu'il y avait une crise. Mais il y a eu des crises partout où les gens n'ont pas été, ne sont pas, on ne peut pas rendre quelqu'un responsable de la crise, mais on peut dire que quand même, rien ne va bien, il n'y a pas que la crise. Alors on a mis tout sur le dos de la crise, ça c'est facile, oui, mais c'est la faute de la crise. La crise non, en plus, qu'on arrête, c'est quoi la crise c'est quoi la crise expliqué dans le bouquin, c'est quoi la crise voilà. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui nous est tombé sur la tête, c'est pas nous qui avons été méchants, qui avons vécu au-dessus de nos moyens. Si on avait vécu au-dessus de nos moyens, les choses iraient bien, je veux dire, enfin en tout cas dans les domaines publics. Or, la santé, c'est la merde la plus totale dans les hôpitaux, partout, dans les... il y a de moins en moins d'organismes, enfin de trucs qui marchent. Le chômage, ça marche pas non plus. Enfin, l'emploi marche pas non plus. L'éducation marche pas non plus. Donc, si encore on en avait profité pendant 5 ans, 6 ans, et qu'on ait eu des tonnes de trucs à notre disposition, et qu'on nous dise maintenant, ah ben vous savez, vous êtes allé trop loin, maintenant il faut réduire, parce que. Mais c'est même pas le cas. Il n'y a plus rien qui marche. Donc, où est-ce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens? Et ça, ça ne date pas forcément de Sarkozy, du reste. Hein. Non. Ça date de 1973, avec Giscard d'Estaing et avec tout ce. Et puis, ces gens qui nous disent de nous serrer la ceinture, il y a quand même. On a beaucoup ri aussi en écrivant le livre. Parce que, par exemple, pour reparler du Parlement européen, on regarde. Est-ce que vous savez combien coûte la communication entre le Parlement de Bruxelles et le Parlement de Strasbourg? 203 millions d'euros par an. Je ne sais pas comment ils communiquent, mais. Ils ont des timbres très chers. Ils font une piscine qu'ils ont quand même mis un peu en stand-by pour les députés européens qui vont jamais se baigner à la piscine. 9,6 millions d'euros. Vous savez, les députés européens qui sont très assidus, vous savez pourquoi ils sont si assidus? Pour l'indemnité. Parce qu'ils cachetonnent à 300 euros par jour. Bon. Et alors, ça va plus loin, parce que j'ai fait une découverte là, que je tiens à votre disposition. Vous savez ce que le Parlement européen, le bureau du Parlement européen vient de voter là? 9 millions 6 d'euros, là. Je demande aux auditeurs d'RMC si de se rapprocher du poste. Là. 9 millions 6 d'euros. 9 millions 6 d'euros pour faire quoi à Bruxelles? Pour faire quoi, à votre avis? Vous allez nous le dire. Une piscine. Une piscine ludique, hein, avec des toboggans, des échelles pivotantes, de la mousse intégrée pour les députés européens. Et cette piscine, sous prétexte qu'elle va être verte, elle coûte assez cher. Et donc, ils vont mettre des vélos et des tapis roulants, enfin des tapis de course, pour les députés, de façon à ce qu'en pédalant et en courant, ils fabriquent du courant, de l'électricité pour le Parlement européen. Mais quand est-ce qu'ils arrêteront de nous prendre pour des cons, quoi? C'est ça, et tout est comme ça, mais il y a même un truc qui nous a... Il y a 1 million aussi d'euros par an pour les médailles. Ah oui, il y a des médailles. Des comme les enfants à l'école de 5 ans. Et nous, on nous dit il va falloir payer plus d'impôts, il va falloir vous serrer la ceinture. Et on va payer des médailles à ces messieurs qui nous font que des bêtises, qui nous mènent au mur, et on va leur donner des médailles comme un enfant de 5 ans. Tout ça sans compter effectivement leur salaire mirobolant, mais ça va du greffier. Les retraites. Il n'y a pas que les parlementaires, ça va du greffier au, je veux dire, et effectivement, ils payent très peu de charges sociales pour ne pas dire rien, et quand ils sont à la retraite, c'est exempt d'impôts. Il faut quand même que les gens le sachent. 577 députés, 343 sénateurs, et pour tous, un régime de retraite sans équivalent. Le rendement défie toute concurrence. Pour 1 euro cotisé, il touche 6 euros à la retraite. Chez les particuliers, c'est combien? C'est entre 1 et 1,5 pour quelqu'un du privé, et c'est entre 1,75 et 2,40 pour quelqu'un du public. Il y a aussi la possibilité de cotiser double pendant 15 années de mandat. Résultat? En un mandat, donc en 5 ans pour le député et 6 ans pour le sénateur, ils vont toucher 1 550 euros et 1 932 euros. 1 550 euros, c'est la retraite moyenne d'un salarié qui aura travaillé 40 ans. En présence d'experts sur les retraites, nous avons cherché à comprendre. Une retraite de président, plus de 5 000 euros, auxquels s'ajoutent les pensions de députés, magistrats de la Cour des comptes, conseiller général, maire de Paris et membre du Conseil constitutionnel. 30 800, ça fait à peu près un peu plus de 20 fois la retraite moyenne des Français, des salariés. Car en France, les élus ne peuvent plus cumuler les mandats, mais ils peuvent toujours cumuler les pensions. Résultat, quelle que soit la personnalité, les retraites sont confortables. Ce qui est un peu incroyable, c'est que c'est des retraités à 10 300 euros par mois qui postulent à des postes de ministre. Donc en fait, c'est un peu paradoxal, quoi. C'est la pleine activité, mais avec quand même une super retraite à côté, quoi. Et alors là, il y a un consensus extraordinaire entre la gauche et la droite. Ils sont tous d'accord. Les seuls moments où ils sont à l'unanimité, soit au Sénat, soit à la Chambre des députés, c'est quand il faut, on va leur prélever quelque chose sur la retraite aussi. On va leur demander un sacrifice. Alors là, il n'y en a aucun. Et quand on évoque le sujet avec les intéressés, les sourires se crispent. S'il suffisait de diminuer la retraite de 577 députés, plus ceux qui sont déjà à la retraite, pour rééquilibrer le système, on serait prêt à le faire tout de suite. Ceci, c'est un faux problème. Quand on leur demande s'il y aura une réforme... C'est très drôle. C'est voici très leur drôle. Réponse. Vous voulez payer la cotise à ma place? Je vous demande si c'est une priorité. On parle de choses sérieuses, mademoiselle, mais vraiment sérieuses. Ne soyez pas agressif vis-à-vis des élus de la République. Ils essayent de faire un travail utile. Mais attention pour certains à ne pas tomber dans l'anti-parlementarisme primaire. dans la catégorie des plutôt privilégiés, ils sont vraiment tout en bas par rapport aux vrais privilégiés. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on parle simplement des parlementaires, parlons-en et demandons-leur de s'aligner, mais parlons de tous les privilèges dans notre société. Difficile en tout cas sur ce thème de trouver à qui parler au Sénat. Beaucoup se sont décommandés. Et ça, justement, que là, on est en pleine campagne électorale. Qu'est-ce qu'on nous dit de tous ces sujets? Parce que je veux bien qu'ils nous disent les Français votent de telle façon parce qu'ils sont malheureux, les Français votent de telle façon parce que je sais pas quoi, c'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est bon. Ils nous donnent des tas d'explications. Le permis de conduire est devenu pendant une semaine le tour. C'est vrai que le permis de conduire coûte très cher en France. Mais est-ce que vraiment c'est un programme de société et un programme de vie pendant 5 ans? La burqa était un programme de société. Voilà. Et tous le mariage sujets... des homosexuels était un problème. Les Français, c'est pas ça leur problème. Et leur problème, c'est comment on fait. Et tous les sujets qui pourraient changer notre vie en mieux, ça, on ne nous en parle jamais. Jamais. Parce que bien évidemment, ça, c'est tabou. Il ne faut pas en parler puisque c'est fait pour rester le privilège de quelques-uns. C'était le regard sur le monde par le frère Siméon.